L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Pour être vu organise son 5e salon du bien-être à Nancy. Ça se passera les 19-20 octobre au 43 rue Marcel Brault. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Jean-Michel Consalves. Bonjour. Oui, bonjour Yves. Président donc de cette association qui est assez récente, 2023. Oui, c'est ça. C'est une association pour être vue, donc qui représente les personnes handicapées en général, puisque je suis non-voyant et du coup, on a des actions qui sont plutôt inclusives, dont le salon du bien-être. Pourquoi avoir créé cette association ? Beaucoup d'handicapés ont des demandes d'événements et souvent on n'a pas souvent l'occasion de rendre accessibles les salons à tout handicap. Et du coup, vu que je suis non-voyant et que je participe depuis plus de 5 ans sur des salons du bien-être et qu'il manquait de salons du bien-être à Nancy, j'ai voulu créer ces événements, mais je ne fais pas que ça en événement. On fait aussi des after-work avec des entrepreneurs. Enfin voilà, on fait plein de choses inclusives. Là, ce sera la 5e édition du salon du bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir donc, les 19 et 20 octobre ? Il y aura une voyante, de la cartomancie. Il y aura différents massages, de la lithothérapie, hein, les pierres. Il y aura des bijoux faits par des artisans. Voilà, il y a un mélange, un brassage, mais de tout ce qui est produit du bien-être. Voilà. Les 4 premières ont bien fonctionné, le public est présent. Oui, ça commence tout doucement à faire son petit chemin. On voit des habitués qui reviennent régulièrement. On fait toujours 2 salons depuis la création de l'association 2023. On fait Sud Saint-Max qui est au mois d'avril et puis l'année dernière on était à Maxéville et du coup là on est à côté de la cave de Léon, notre partenaire sur cet événement. Donc c'est au 43 rue Marcel Brault à Nancy. Vous avez d'autres projets pour l'association Pour être vu ? On est sur la marche pour la vue qui aura lieu le dimanche 13 octobre au stage Roger Bambuc. Donc on sera partenaire et puis oui, il y a toujours des choses qui sont faites en fin de compte l'association grâce au soutien des salons bien-être. On a pu mettre en place un Airbnb du tandem. Du coup, on a un garage avec des tandems qui sont stockés où les non-voyants peuvent venir chercher un tandem pour partir en balade, soit avec un pilote que nous fournissons, soit avec un ami, etc. Les salons bien-être, ça permet de financer des choses pour les personnes handicapées. Voilà. Donc là, c'est du tandem, des cannes blanches. Sur Saint-Max, on a financé 425 € au club d'échecs. Oui. Parce que du coup, c'est aussi intéressant les échecs, de développer les échecs à l'école. Donc voilà, ils sont aussi partenaires et ils seront encore partenaires cette année. Quoi. Donc il y a plein de choses encore à développer aussi, plein d'idées. Oui, il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Il faut juste que ça avance. Au mois de mars, nous organisons, comme chaque année, en partenariat avec le Lions Club, un repas dans le noir pour financer aussi des projets pour les personnes handicapées. Alors un peu orienté quand même sur les déficiences visuelles, puisque c'est un monde que je connais bien. Mais on a aussi des personnes qui sont malentendantes qui viennent à ce salon. Là, sur le prochain salon, on a une personne malentendante qui vient et du coup, on aura une personne qui fera la traduction pour les personnes sourdes aussi, c'est important. Voilà. Et les exposants sont plus sensibilisés à ces questions du handicap ? On essaye de les sensibiliser tout doucement et en fin de compte, en se rencontrant et en discutant, on arrive à faire comprendre les messages. On n'a pas besoin de leur fournir beaucoup de choses, mais juste en étant bienveillant et avec de la discussion et de la compréhension, on avance progressivement. Et oui, il y a vraiment une bienveillance sur les salons. Et voilà. Ce salon du bien-être 5e édition, ça permet de soutenir aussi donc, l'association Pour être vu. C'est les 19 et 20 octobre au 43 rue Marcel Brault à Nancy. L'entrée, c'est 2 €, hein, c'est ça ? C'est 2 €, oui. En fin de compte, c'est un don pour l'association. C'est ce qui permet de financer les tandems, vu qu'on a quand même 6 tandems, dont un électrique qui vaut quand même très cher. Voilà, donc oui, ça permet aussi ça, l'entretien et puis le bon fonctionnement de l'association. Merci beaucoup Jean-Michel Consalves et on vous retrouve bientôt pour d'autres événements, certainement. Certainement. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.